e paisan de nautomar. Tu que te'n vas a punto d'albó, tu semenaire de paraulos. Bienvenue à tous en direct de l'émission Les Oreilles du Monde, émission proposée chaque deuxième jeudi du mois en direct de Radio Gemozo. Bonjour à tous. Vous êtes en direct des Oreilles du Monde, émission proposée par Les Mondes de l'Utopie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir en studio avec nous une membre active de l'association des Mondes de l'Utopie, Camille étant absente. Donc nous allons commencer l'émission. Merci à tous d'être là en direct avec nous. Bonjour et bienvenue à Nanou. Salut Flo, salut tout le monde. Donc je suis super contente d'être là aujourd'hui. Je suis membre active des Mondes d'Utopie depuis une petite année maintenant. Pourquoi j'y suis ? Parce que je suis super novice dans ce monde musical et que c'est un vrai bonheur chaque jour de découvrir tous ces rythmes, instruments et chants de nos frères et sœurs du monde. Voilà pour ma petite présentation. Ouais, super Nanou, merci d'être avec nous. En tout cas, avec l'absence de Camille, ça fait toujours plaisir d'être accompagné pour gérer la radio, l'émission. D'être toujours en direct de Radio Gemozo, qui nous laisse une petite place sur cette radio alternative. Donc je vais faire un petit rappel pour vous présenter les Mondes de l'Utopie. On est une association qui a pris naissance à Rochesson. On s'y est implanté dans le but de promouvoir les différentes cultures du monde qui nous entourent. Nous sommes une association pluriculturelle. Culturel parce qu'on organise différents concerts pour des repas-concerts pour promouvoir des spécialités culinaires venues d'ailleurs, des concerts aux sonorités traditionnelles et peu connues. Et c'est un peu une ouverture des frontières à l'autre, apprendre à vivre avec nos différences dans le partage et dans le respect de chacun tout en créant du lien social. Donc voilà, on s'implante petit à petit dans les Hauts-de-Vosges et pour promouvoir un mouvement qui naît sur la France dans l'espoir de faire un festival sans alcool et aborder autrement les moments. Les Oreilles du Monde, c'est la mensuelle des Mondes de l'Utopie autour de la musique du monde. Donc, peu connu et quelque chose d'éclectique, de culture qu'on ne connaît pas forcément, de musique traditionnelle et ethnique. Pour vous, l'émission, elle est aussi faite pour vous parler de nos événements qui se passent tout au long de la. Du monde ou nos coups de cœur du moment. Donc voilà, on est en direct chaque deuxième jeudi du mois pendant 1h30. Aujourd'hui, jeudi 11 octobre, on est super content d'être là et on va vous présenter une émission de 10h à 11h. Le prochain événement de l'association qui a lieu samedi 20 octobre, donc pas ce samedi mais samedi d'après, qui s'annonce grandiose. C'est un peu comme une parenthèse à la vie qui va joie. Cette journée, elle va débuter avec des ateliers découvertes en journée, un repas confectionné le soir par nos petites mains avec des produits locaux et sains, pour finir sur une note de on va vous faire découvrir nos coups de cœur du moment. Donc on va commencer par Radio Gémozo et des oreilles du monde.